vie était combat. La vie était combat. Ça c'est ma tête. Chaque jour de la vie c'est un combat. Le rap c'est mon souffle, je ne lâcherai pas. Je te le jure, j'irai jusqu'au bout de mes pas. Avant de la rue je ne tomberai pas. Chaque jour de la vie c'est un combat. Le rap c'est mon souffle, je ne lâcherai pas. Je te le jure, j'irai jusqu'au bout de mes pas. Avant de la rue je ne tomberai pas. Chaque jour de la vie c'est un combat. Le rap c'est mon souffle, je ne lâcherai pas. La musique m'a tout donné, avec elle je me sens invincible. Je lui ai tout confié dans le but de me sentir libre. Avec elle je survole dans les airs. Avec elle ma tristesse s'envole loin de la planète Terre. Jamais je me perds, même quand ma plume a un goût amer. Elle m'a fait oublier toute l'amertume de ma nostalgie. Désormais elle est ma vie.